dessin. On connaît ton âge, t'as encore toutes tes dents. On connaît ta mythe et c'est pas un gang. Et quand tu me tapis, on sait que tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et rien que tu m'étonnes, rien que tu parasites. Mais on connaît ta Yves et on te connaît mon ami. Et rien qu'elle m'étonne et rien qu'elle jure sur la vie de ses gosses et sur la vie de son mari. Franck, elle veut ton Wally, Wally, Wally. Franck, il veut tout Paris, Paris, Paris. C'est relou car c'est ta famille qui en paye le prix. Et que tu salis, salis. Apparemment t'es connu, apparemment t'es connu. Mais personne te connaît, mais personne te connaît. Arrête un peu de bomber, ou tu vas te faire plomber. Et bang, bang, bang. Apparemment t'es connu, apparemment t'es connu. Mais personne te connaît, moi personne te connaît. Arrête un peu de bomber, tu vas te faire plomber, tu vas te faire plomber. Apparemment tu plaises, mais on connaît ta team. On connaît ta team sur Insta, t'es in, mais on connaît ta Yves. On connaît ta Yves, tu connais tout Paris, mais Paris te connaît pas. Paris te connaît pas, tu connais Marrakech, mais Marrakech te connaît pas. Marrakech te connaît pas, Marrakech te connaît pas. À lui te connaît pas, pour rentrer en soirée car le respect se monnaie pas. Et si jamais ça n'allait pas, c'est pas la fin du monde. T'auras juste perdu ton temps à faire la bombe. Lui il a perdu son temps et ses potes. Elle a perdu sa mise et ses copines. Trop de mythes, on s'est cramé depuis l'époque. Elle s'inspire de nos vies, au final elle est copine. Apparemment t'es connu, apparemment t'es connu. Mais personne te connaît, mais personne te connaît. Arrête un peu de bomber, ou tu vas te faire plomber. Et bang bang bang. Apparemment t'es connu, apparemment t'es connu. Mais personne te connaît, moi personne te connaît. Arrête un peu de bomber, tu vas te faire plomber, tu vas te faire plomber. Apparemment tu perds. Tu peux me rendre mon sac? Je comprends pas ce que tu racontes, mais rends mon sac s'il te plaît. Tu vas te faire plomber, tu vas te faire plomber. Apparemment tu fais, mais on connaît.